Salut les amis. Salut Charline. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, Charline. Alors qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Qu'il augmente encore la qualité de mes chroniqueurs. C'est pas Merlin l'Enchanteur, hein, c'est juste Père Noël. Oh Sigrist, hein, on la rabaisse. Hein, oui bon allez, c'est pas tout ça, mais on a une émission. Une émission là? Ouais. Bah, c'est Noël. Bah, oui, mais pourquoi Noël. Vous êtes venus alors? Bah, pour les cadeaux. Écoutez, il y a une émission enfin. Mais vous comprenez maintenant pourquoi j'ai demandé au Père Noël qu'il augmente la qualité de mes chroniqueurs. Oh ça va, ça va. Au courant, c'est bon. Bon, qui est l'invité? Ah oui, l'invité. Bah oui, si il y a émission, il y a invité. Oui, c'est normal, c'est le principe. C'est alors, qui devait s'occuper de caler l'invité? Bah, c'est lui. C'est lui. Non, c'était lui. D'accord. Donc, si je fais le bilan, on n'a pas d'émission, on n'a pas d'invité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la cata. Bon, qui est-ce qu'on peut inviter alors? Je sais pas, moi. Qui ne fait rien à 24 décembre? Bah, si, à la limite, François Hollande. Mais t'es con. Non, mais attends, c'est pas si con. Non, c'est pas con. Non, parce que j'ai son 06, moi. Le 06 de Hollande? Ah ouais? C'est Léa Salamé qui me l'a donné. Appelez-le alors, on sait jamais. Ah bah ouais, chiche, allez, j'y vais. Mais je rêve là où elle invite le président. En plus, vu le titre de l'émission, il serait capable de venir. Monsieur le président, oui, je vous dérange pas. C'est une très bonne décision, la déchéance de nationalité. Moi, je suis belge, je vous la rends, comment on fait? Vous ne faites rien là à 17h? Oui. Bah oui, vous farcissez pas la danne vous-même. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Bah super, ouais. Il va venir? Génial, merci. Ouais, bisous, tout à l'heure. Oh là, il vient? Mais bien sûr, ben voilà. Et merci Guillaume pour l'idée. Tu vois, le Père Noël, il doit même pas passer pour augmenter la qualité de tes chroniqueurs. Voilà. Ils sont déjà au top. Il y en a deux autres là. Hein. Ah oui, il y a deux autres. Ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et joyeux Noël Félix. Joyeux Noël. Vous écoutez l'émission qui fourre la dinde avec de l'actualité et voici les trois informations qui vont envoyer des marrons jusqu'à 18h. Finalement, le retrait est maintenu. En ce qui concerne la déchéance de nationalité, l'exécutif a changé d'avis. Combien de fois, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais les binationaux nés français qui ont trahi la France se verront retirer leur nationalité française. Une solution peut-être, instaurer une nationalité européenne. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Mais il y a un miracle de Noël. Pôle emploi a publié les chiffres du chômage à midi et ils sont bons. Avez-vous vu la lumière? Oui, par Jésus et Saint Prélastère, la lumière. Oui, et si vous habitez les Menuires ou Val Thorens, vous serez prié de laisser la neige aux touristes. Voilà, il y a d'autres trucs à faire à la place, de toute façon, jouer au Scrabble ou aller dîner chez Gigi et Jérôme. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là, on croit rêver? C'est vrai aussi qu'il se croit celui à la tête de con. Voilà, qu'on te revoit plus ici, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre. Et je suis accompagnée de celui qui fait de la rando en mood boot, c'est Alex Vizorek. De la rando donc? Oui, vous en vous faites marcher pendant les vacances, mais une fois de plus. Et alors aujourd'hui, autour de la table, les lutins qui vont déposer leur chronique au pied du sapin à 17h20. Si vous voulez lui faire plaisir à Noël, offrez-lui des disques. Mais pas n'importe lesquels. Allez à la Fnac, demandez le classement des meilleures ventes, retournez-le et vous obtenez les préférences de Mélanie Bowen. Eh oui, et puis il faut qu'il soit en vinyle. C'est important de le dire. Oui, sinon c'est pas génial. De quoi on va parler? On va parler des chansons de Noël. C'est quoi la plus grande chanson de Noël de tous les temps? Petit Papa Noël Tino Rossi. Évidemment. Ah bah je le savais, on est d'accord sur ça. 17h30, si vous voulez lui faire plaisir, ne lui offrez rien. Exactement. Car il n'aime pas qu'on lui impose quoi que ce soit et encore moins une fête. Donc lui, son chapon farci, si vous savez où il se le met. Et donc s'il se le met là, eh ben ça fait une mise en abîme. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour, vous m'avez bien cerné Alex, ça fait plaisir. Bonjour Charline. Alors moi je me suis intéressé aujourd'hui à la façon de produire du foie gras. Et je peux vous assurer que tout ce qu'on dit sur la souffrance animale est faux. C'est pas le but de stresser les canards. Eh non, on leur donne des cours de yoga. À 17h40, si vous voulez lui faire plaisir, offrez-lui du sport. La bio de Platini, les mémoires de Jimmy Connors, les pensées de Luis Fernandez. Bref, tout ce qui ne le fatiguera pas. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour Charline. Bah, écoutez, comme le président est là, bah, il va venir. Alors moi, je vais m'adresser directement à lui. Et surtout, je vais faire un petit bilan avec lui sur cette année sportive. C'est bien qu'il arrive. Et en bonus autour de la table, nous avons notre co-auteur de la semaine, Frédéric Sigrist, a fait une infidélité à Nagui pour venir vous voir. Merci d'être là, Frédéric. Mais merci à vous de m'accueillir. Je ne vous demande pas le thème de votre chronique puisque vous n'en avez pas. Et à 17h55, le Père Noël sera à la guitare. Et comme son nom l'indique sur le disque, ça promet, Frédéric sera là en fin d'émission. Youpi! Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est un président de la République. Donc des gens sont nés sous vous, mais vous, vous êtes nés sous René Coty. Vous êtes élu député de la première circonscription de Corrèze en 88 quand George W. Bush est élu président des États-Unis. Vous devenez premier secrétaire du Parti socialiste en 97 pour de longues années, mais là c'est l'année où Chirac dissout l'Assemblée nationale. Vous êtes élu président de la République, sur un malentendu, en 2012, quand la France perd son triple A, alors qu'on ne savait même pas à l'époque qu'on était noté et qu'on avait 3 A, mais écoutez, c'est bien. Et vous, vous êtes pas encore arrivé, mais on vous attend, on attend le président de la République. Bah, évidemment. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, donc il n'est pas encore arrivé. Mais il est où ? Il est sur la route. Il est sur la route. On m'a dit, si vous voyez un scooter, allez un peu trop vite. C'est lui. Non, mais... Quoique, je ne sais pas. Je pense qu'il a du mal à arriver parce que il roule à 40 km/h. C'est très COP 21. Il va venir. D'ailleurs, depuis la COP 21, il roule en Vélib, je crois. Tiré par des rennes. Alors, sachez que on l'attend. On fera un point régulièrement pour voir où se trouve François Hollande et j'espère qu'il nous rejoindra assez vite. Quand on est journaliste, en tout cas, et qu'on a François Hollande devant soi, la première chose qu'on lui demande, c'est serez-vous candidat à la présidentielle ? On attend le scoop, la reprise AFP. A priori, il compte le dire dans cette émission. Alors, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il n'est pas là. Est-ce que Guillaume Meurice ne voudrait pas me faire ce plaisir ? J'en ai rêvé toute ma carrière. Ça tombe bien, je suis quasiment imitateur moi, dans cette émission. J'ai rêvé un jour de dire à François Hollande, on va le faire. On va le faire, faisons-le. Monsieur le Président François Hollande. Arrête de minauder comme ça. Bonjour Charline. Serez-vous candidat à la prochaine présidentielle en 2017. Écoutez, Charline, la réponse est oui, si toutefois je suis encore français. Car avec tout le mal que j'ai fait à la France, je risque de me déchoir personnellement de la nationalité française. C'est une vraie info. Quel talent. C'est un scoop. De la reprise et tout, c'est formidable. Alors attention, c'était moi qui imitais. Hein, il y avait des gens, parce que comme j'imite hyper bien. Si l'AFP écoute, qu'il ne fasse pas la boulette. Qui va trop tard, Guillaume-Marie. C'est les mêmes que Canteloup, c'est les mêmes que Gérard, c'est les plus grands. Bon, alors, qu'est-ce qu'on aurait pu demander au président de la République ? Ma question, c'est comment vous avez préparé sa promo ? Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Vous savez ce qu'il a à vendre ? Non. Son discours du 31 décembre, bien sûr. Évidemment. On l'attend. Bien sûr, c'est l'allocution, d'autant que ça fait un moment qu'on ne l'a plus vu à la télévision. C'est vrai. Je ne veux pas le spoiler, mais il va terminer certainement par « Vive la République, vive la France ». Je suis désolé pour ceux qui attendaient vraiment la conclusion avec impatience. C'est un peu comme Star Wars. C'est deux drames. Spoil de Star Wars, spoil du discours de Hollande, fait mal. Alors, évidemment, c'était sa promo, le discours du 31. Est-ce que vous, autour de cette table, vous prenez l'habitude de regarder le discours du président de la République? Oui. Mais on arrête, en famille, on arrête tout de suite de vivre pour regarder l'allocution, évidemment, du président. On est républicains. Est-ce que vous en attendez quelque chose, Samir Bouadi, par exemple? Oui, non. Je pense à un truc quand vous posez la question. Je pense au vœu de Mitterrand. Je crois que c'est en 4, j'ai voulu dire une grosse bêtise, mais je croise aux forces de l'esprit, etc. Ouais, avec l'assaut du GIGN à Marignane, ça c'était un des rares moments 93, je sais pas, pardon, mais c'était un des rares moments de télé. Pour le coup, je l'ai revu sur YouTube il y a pas longtemps. C'est passionnant de revoir ça parce qu'il y avait du souffle à l'époque avec un président qui était au croisement d'une dramaturgie nationale très très forte. Et je sais pas, je pense à ça. Voilà, Il y a un coup à jouer alors parce que l'année 2015, s'il la résume bien. Et s'il tire vers l'avenir, il y a une belle carte à jouer. Donc c'est con qu'il fasse pas la promo parce qu'il y aura eu des spectateurs potentiels. Alors après, il y aura aussi la forme qui sera commentée parce que généralement ces dernières années, on commande plus la forme que le fond du discours, c'est-à-dire la photo, est-ce qu'il va le faire, etc. Est-ce que Raymond Depardon sera encore de la partie. Mélanie Bauer, j'imagine que ça vous passionne, vous, le discours du 31 du président de la République. Bah, moi, j'ai plus la télé depuis un certain temps, donc j'attends que ça passe sur lina.fr. Donc ça prend quelques années et puis bon. Comme ça, bon, j'ai un petit peu Qu'est-ce qu'on mettrait comme bande son si on voulait être un peu moderne? Sur le discours du président. Oui, quand il arrive, on va lui conseiller un son. Bon, un peu de dubstep, un truc un peu. Rappelez-nous ce que c'est. Ça, comme si c'était évident, on ne sait même pas ce que c'est. Voilà, c'est très clair. Une sorte de reggae qui irait très vite. Très bien. Ça pourrait nous changer. Ouais. Alors, on va faire quand même un petit point pour savoir où se trouve François Hollande et voir à peu près à quelle heure il va arriver. Moi, j'ai réservé toutes mes questions. Des informations. Alex Vizorek, êtes en liaison directe. Avec Gaspard Ganzer qui me tient au courant. Donc, le conseiller de François Hollande. Le plus proche. Donc, apparemment, il n'avait pas fini ses cadeaux de Noël. Il est passé par la Fnac. Il a été acheté quelques livres pour offrir ce soir. Voilà. Ah bon, mais quel livre Le livre de Valérie Trierweiler. Mais lequel comme n'en a pas écrit des masses. Ouais. Merci pour ce moment. Et qu'est-ce qu'il est ressorti en poche? Ah, Gaspar Ganzer me dit qu'il a acheté tous les exemplaires de la Fnac. Et peut-être il va faire les trois Fnac de Paris. Oui, donc voilà. Ouais. Donc on va tabler a priori, sur un... il arrive. On va tabler sur un 17h25 par là. Voilà, très bien. On l'attend. Je crois que c'est l'heure du disque. Monsieur le Président, si vous nous entendez, écoutez, on vous attend. On est prêt. On a trois sujets comme tous les jours. On ne change rien. Pendant qu'à la maison, vous fourrez la dinde, nous, on écoute un peu de musique. Working on the working on the dans la cuisine, je vous vois bouger dans la voiture en route vers votre veillée de Noël. C'est Chain Gang, ça c'est le titre, c'était bien sûr Otis Redding sur France Inter avec une équipe qui prépare cette émission, à la préparation Sophie Hoffman, Mathilde Verfaillie avec la collaboration de Julien Kraft, à la réalisation il y a Benjamin Riquet, à la technique Jean-Philippe Jeanne, l'homme aux trois prénoms, et autour de cette table Alex Vizorek. Vous ne rappelez pas qui est notre invité? Si, qu'on attend, bah évidemment on attend le président de la République, ouais, François Hollande. Tu dois être sur la route, donc. Bien sûr, oui, voilà. Il est attendu. Il nous a confirmé sa venue, bien sûr, mais il est en chemin. La belle équipe autour de la table. Nous avons Mélanie Bauer qui nous parlera de musique de Noël, donc une spéciale Tino Rossi, a priori. Absolument. C'est ce qu'elle m'a promis. Guillaume Meurice qui s'occupera du foie gras. Oui. Samir Bouadi du sport. Et merci à Frédéric Sigrist de s'être arrêté avec nous autour de la table. Et Frédéric Fromet, lui, accorde sa guitare. Allez, c'est le moment des nouvelles, des informations. C'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres de ce journal de Noël. Oui, ce soir c'est Noël et rappelons que le gouvernement a pris une mesure d'urgence. Tous ceux qui souhaiteraient un noyeux Joël seraient soumis à une déchéance de la nationalité. Le journal 20 minutes se demande si le Père Noël est de droite ou de gauche. Difficile à dire, mais comme il vit dans le Nord, il a sans doute dû voter Xavier Bertrand. Sans doute, et il y aura encore des brèves, car les brèves de l'avant sont meilleures que les longueurs de l'après. Waouh ! Quel talent ! Brillant. Et pour commencer ce journal, amis français, vous qui vous plaignez souvent de vos dirigeants, eh bien en Belgique, voici ce que toutes les chaînes ont été contraintes, on va dire, de diffuser. C'était ce midi. Mesdames et messieurs, les fêtes de Noël et de Nouvel An sont l'occasion de réaffirmer notre espoir dans l'avenir. Le discours du roi des Belges, ah, le mec de la c'est un bonheur. Et je rappelle que ce n'est pas sans doute une évidence pour tout le monde, mais le français, c'est sa langue maternelle. Hein. Et dans ce sketch qui dure 8 minutes 30, le meilleur moment, c'est celui-là. Face à la menace terroriste, nos autorités ont réagi avec calme, rapidité et détermination. Tu m'étonnes, le calme. Ils ont été tellement calmes qu'ils ont laissé Abdeslam filer caché dans un meuble. La rapidité, Bruxelles a déclaré l'état d'urgence le vendredi qui a suivi suivi les attentats de Paris. Une semaine, c'est rapide. Et la détermination, il est bien placé pour en parler. Il était tellement déterminé qu'il est parti en thalasso en Bretagne. Bonne année, joyeux Noël à tous les Belges. Avec des chances de nationalité, guette Alex Fuseret également. Oui, c'est pas faux. Revenons en France. Oui, car ce soir, nous fêtons Noël en état d'urgence. Les églises feront l'objet d'une surveillance policière. Et pour égayer les fouilles à l'entrée, eh bien, nous vous suggérons de vous rendre à la messe déguisée en paquet cadeau. C'est une bonne idée. Venons-en au débat sur le Père Noël. Est-il de droite ou de gauche? Le journal 20 minutes tente de répondre. Alors, ouvrons les guillemets. En matière de politique économique, c'est un keynésien. Il relance l'économie en favorisant la consommation des ménages. Le Père Noël n'est pas austéritaire. Il ne pourrait donc pas être dans le gouvernement de Manuel Valls, mais serait plutôt un frondeur entre l'aile gauche du PS et l'extrême gauche, nous dit un politologue. Ah, donc très à gauche. Oui, mais Thomas Génolet continue et dit, sur les valeurs, le Père Noël est plutôt réactionnaire. Il attend des enfants un comportement discipliné et obéissant dans la société. C'est un peu la France des choristes. Voilà. Thomas Guénolé. Je parle en général Maldi. On sait jamais qui nous écoute. Bah oui, on le salue. Et on le félicite pour cette analyse. A priori, il a du temps pour faire des trucs. Donc, vous écoutez, je pense qu'il peut se commettre. Thomas Ndijol, c'est un humoriste. Rien à voir. Donc, on ne sait pas si le Père Noël est de gauche ou de droite. Non, c'est ça. Le Père Noël est donc sans doute français. International, à présent, on commence par l'Espagne. Un immigré sénégalais arrivé en pirogue en Espagne remporte 400 000 euros à la loterie de Noël. Exactement, quel beau cadeau de Noël. Il vient donc de gagner le droit de devenir un immigré suisse. Passons aux Pays-Bas. Oui, avec cette information qui nous a tous surpris, aux Pays-Bas, il est légal de payer son moniteur d'auto-école en sexe dans le but d'obtenir le permis de conduire. Voilà. La question est de savoir quel est le prix à la pompe. Passons, parce que... enchaînons. Oui, ce qui est bien, c'est qu'elle devient très très rouge quand elle dit ça. La presse appelle cela la belle histoire du jour. À la Nouvelle-Orléans, les éboueurs ont jeté le sapin de Noël d'un sans-abri. Conséquence, les habitants lui en ont offert des dizaines. Et très ému, il a déclaré « Ça tombe bien, j'avais déjà les boules ». Média, hier c'était la finale de Danse avec les Stars. Oui, et Cocorico, c'est un Belge qui a gagné, Loïc Notet. C'est donc la première fois qu'un non-français gagne Danse avec les Stars. En revanche, ce n'est pas la première fois qu'un inconnu gagne Danse avec les Stars. Salut Ryan Bensetti. Quelques brefs pour terminer, allez. Oh, je peux Oui, allez-y, c'est Noël. C'est Noël, hein, Bordeaux. Il revient du Maroc avec 150 paires de babouches moulées au cannabis. Oui. Ah bah oui, les babouches, quand il y en a une paire, ça va, c'est quand il y en a 150 que c'est... C'est ça, c'est ça. Je continue. Var, à 81 ans, elle escroquait d'autres personnes âgées. Ah, elle est jeune. Non mais ça, elle n'est pas jeune, elle a 81 ans. Oui, mais dans le Var, c'est jeune, 81 ans. Ah, d'accord. Et donc on termine par cette histoire en Angleterre. Oui, Andy Parks l'a confié au journal Mirror. Il est passionné de Noël, au point de célébrer Noël tous les jours depuis le 14 juillet 93. Et oui, c'est une passion qui lui a déjà coûté près de 2,7 millions Exactement, d'euros. Exactement, et il a déclaré au journal « Je n'ai pas eu de petite amie depuis que j'ai commencé, c'est pas si étonnant. » En tout cas, on est ravis pour lui, puisque ce soir, eh bien, c'est le seul jour de l'année où Andy Parks ne passera pas pour un con. Merci Alex Vizorek et merci à Frédéric Siglitz. Oui, qui a collaboré avec nous toute cette semaine. Voilà, quelle collaboration. Notre complice. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h en compagnie du président de la République, François Hollande, s'il arrive. Dommage pour une fois qu'on a une exclue pareille. Ben ouais. Voilà, je sais pas. On va peut-être pouvoir faire un petit. Il ne fera pas faux bon, c'est pas faux genre. Non, peut-être faire un petit point, Alex Vizorek. Vous êtes en contact avec Gaspard Ganzer, qui est son conseiller com. Gaspard, il vient d'apprendre. Où est François Hollande? Il s'est trompé, il a été européen. Oui, mais il va pas y rester. Non, non, non, il s'est rendu compte de son erreur quand il a vu la babaroulette de Cyril Hanouna qui faisait tourner son slip au-dessus de sa tête en faisant la danse de l'épaule. Et donc, c'est pas loin, Europe 1. Hein, donc, a priori, 5 minutes. Très bien, parfait. On l'attend. On vous accompagne jusqu'à 18h avec notamment Mélanie Bauer, avec Samir Bouadi, Frédéric Sigrist et Guillaume Meurice. On va aborder le premier sujet. On va voir ce que François Hollande aurait pu dire, puisqu'il n'est pas là. Hein. En tout cas, en ce moment, c'est la déchéance. C'est la déchéance de la gauche, de droite, en fait. Voilà. Et le retrait de la nationalité pour les binationaux nés français. Attention, gare aux méprises en matière d'identité. Vous êtes qui, monsieur? Je suis qui, bien sûr. Très marrant. Ça va continuer longtemps, ce petit jeu? Je suis qui, mais enfin, oh, vous m'avez regardé, non? Mais vous êtes qui? Enfin, foutez-moi, t'as de la chance que je vienne pas jusqu'à ton studio pour te péter la gueule. Je suis François le Français, mince. Le SAV des émissions, Omar et Fred. Alors, la déchéance de nationalité, on en est tous un petit peu baba. C'est dommage que François Hollande ne soit pas encore arrivé. On aurait aimé lui poser la question, parce que c'est une idée dont la paternité revient au Front National, dans le fond, qui félicite, du coup, François Hollande. Je tiens à dire que l'extrême droite a droit d'avoir des bonnes idées, car Valeurs Actuelles a beaucoup aimé mon spectacle. Et donc, je suis très mal mis, si vous voulez. Mais oui, il y a un moment, ces gens-là, parfois, ont bon goût. Et c'est pas interdit. Allez-y, alors, dites-nous pas du tout quand vous jouez. Le 27 et le 28, mais dépêchez-vous, parce que maintenant que la droite vient, au studio des Champs-Élysées, bien entendu. Dépêchez-vous d'aller voir un spectacle. Alors, je vous rappelle que le but de cette émission était de changer combler, le monde. Parce qu'on attend l'invité. C'était de changer le monde, cette émission. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Je vous rappelle que c'est pas une émission de promo, mais on change le monde. Très bien. Donc moi, j'aimerais savoir, c'était une idée du Front National, la déchéance de nationalité. Eh bien, il recycle. Là, c'est l'autre virage de François Hollande. On en a connu un virage libéral. Et maintenant, on est un virage à la fois sécuritaire, à la fois identitaire. Samir Bouadi, tout à fait. Samir Bouadi, vous êtes le principal concerné par ce que on est bien conscients. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a le français de souche, donc qui est vraiment malin. Moi, je suis né en France. Donc, et puis après, tu as le troisième français, qui est le français qui n'est pas né en France et qui a une double nationalité. Tu vois, il y a des strates dans le, si tu veux, dans le repoussoir. Il y a certains qui sont nationalisés. Il y a un certain Manuel Valls, je crois, qui a été nationalisé. Mais s'il continue les conneries. C'est ce dernier groupe-là. Si par exemple, il fraude dans le métro, hop, déchéance. Déchéance, puis aussi parc et aussi torture et aussi. Moi, je pense qu'il faut y aller sec, moi, avec ces gens-là, de toute façon. Faut arrêter d'être gentil parce que ça devient compliqué. Puis on sait pas, ils arrivent de partout, ils ont la même tête, on sait pas s'ils sont syriens, tout ça. Ils deviennent français un peu trop rapidement. Non, moi, je te foutrais ça à coup de pompe dans le cul, moi, dans des. Non, Vauquiez, moi, je suis très. Alors, il y a un autre aspect, peut-être, qui vous parlera autant plus autour de la table. La gauche, là, appelons ça la vraie gauche. La vraie gauche. Ah, vous savez, ce truc qui existait avant. Ce que vous êtes obligé d'appeler la vraie gauche. Se pose des questions sur l'attitude de Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui était vraiment le symbole l'égérie de la gauche, authentique, originelle, on va dire, comme le dernier village gaulois de l'exécutif. Et là, elle s'est couchée devant cette proposition qui sera donc débattue, enfin, qui devrait être inscrite à la Constitution. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Christiane Taubira autour de cette table ? Frédéric Sigrist. Moi qui suis d'origine antillaise, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un noir se faire maltraiter comme ça depuis Rose King. Vraiment, c'est incroyable. Se faire maltraiter par Manuel Valls. Mais là, c'est comme une vidéo, d'un noir qui se fait bastonner par des flics américains. Là, on est au même stade. Il y a pas de coup, mais c'est pareil. Il s'essuie les pieds dessus. Ah oui, je tourne le regard. Répondrait François Hollande ? Parce que malheureusement, je vous rappelle, il doit nous rejoindre. Là, actuellement, il est à Europe 1 chez Cyril Hanouna. J'espère qu'ils vont nous le rendre. J'espère qu'ils vont nous le rendre sans ketchup et sans œufs. J'espère qu'il ne va pas rendre, surtout. Si François Hollande était autour de cette table, que répondrait-il à votre. Déjà, il ne répondrait pas, à mon avis. Il dirait Christiane, va nous chercher le café. Moi, la dernière question que j'aurais voulu poser à François Hollande dès qu'il va nous rejoindre, c'est quand même cette défection au niveau du gouvernement. C'est Sylvia Pinel, la ministre du Logement, qui veut partir, parce qu'elle va prendre le siège de première vice-présidente de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Hashtag je suis Sylvia. Parce qu'elle ne fait pas comme Le Drian, qui lui cumule. Ça balance. Joyeux Noël, Jean-Yves. Allez, si on prenait un peu de hauteur avec tout ça, on laisse François Hollande, notre invité, arriver. Et en attendant, on écoute Mélanie Bauer. Oui, puis on va rester de droite, comme d'habitude. On va lire Le Figaro et un très bel article sur le Napoléon du disque, l'empereur de la romance, le rossignol du siècle avec la chanson française de Noël vendue à plus de 30 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 1946, c'est... Tino Rossi ! Petit Papa Noël. C'est un peu comme avec les cadeaux sous le sapin, cet article du Figaro. On nous annonce des révélations, l'histoire secrète du célèbre Petit Papa Noël de Tino Rossi. Et en fait, dans le paquet cadeau, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que la chanson est rééditée tous les mois de décembre, qu'elle bat tous les records de vente. Ce serait le single, ils le mettent entre guillemets, le single le plus vendu en France. Le single le plus vendu en France avec Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ça en dit long sur la misère des Français. Je me suis demandé si le Figaro n'avait pas fait un copier-coller d'un vieux numéro des années 80. Parce que ça se fait beaucoup en musique en ce moment. Oui, puis ça se fait pendant les fêtes, les journalistes aiment bien les copier-coller. Ils nous ont pondu aujourd'hui un clin d'œil aux fêtes, d'autant plus ringard que leur article. Ils nous offrent la reprise du tube de Tino Rossi par Trust, et ça file un sacré coup de vieux. Quand il sera sur ton beau nuage, viens la mort sur notre maison. J'irai pas citer tous les jours, mais je demande pas. C'est super. J'adore. Bah oui, je vois, bah vous aimez le Figaro, que vous voulez. Non, non, mais j'aime Proust. Cela dit, sans Tino Rossi, pas de reprise de Petit Papa Noël de Trust. Mais bien, évidemment, il faut rendre aux gens évidemment ce qu'ils ont créé. D'ailleurs, je pense que Tino Rossi, s'il entendait ça, il aurait dit, je l'aurais pas joué comme ça. Alors, vous me direz, on n'est pas gentil. Noël, c'est la joie, le plaisir de se retrouver ensemble, oh, l'amour, t'as pas d'enfant, toi. Tout ça. Si. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé. T'as pas les miens. J'ai toujours trouvé que c'était une fête dangereuse. Quand on connaît le nombre de cadavres dans les placards des familles, cette idée de réunir ces gens en les arrosant d'alcool, je trouve ça assez inconscient. D'ailleurs, pour certains, le réveillon, ça ressemble plutôt à ça. Mais comme dirait le grand philosophe Pascal Obispo, l'important, c'est d'aimer. Et surtout de pardonner, même dans les familles dysfonctionnelles, cette vertu chrétienne qu'est le pardon. C'est la philosophie du non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Encore une grande chanson française. Version La Haine, Cut Killer, tout ça. Oui, donc on c'est ça, c'est les fêtes, on pardonne tout, on efface tout, on fait des cadeaux, on tourne la page. C'est la deuxième grande leçon de Noël, l'enthousiasme. Moi, par exemple, j'ai passé quelques Noëls toute seule au restaurant chinois à déguster des nems en me disant « Allez, Mélanie, cool, c'est chouette, c'est Noël !» Et ben, je restais cool, j'écoutais Didier Super. Petit enfant de la Chine, tu fabriques mes jouets dans ton usine. Avec tes tout petits doigts, tu t'amuses bien, c'est un peu grâce à moi. Je l'ai écrit quand j'étais petit. Ton patron, il doit être trop cool. Il t'oblige pas d'aller à l'école. Et si il te file pas beaucoup d'argent, c'est pour que tu restes longtemps un enfant innocent. Mais quand même, j'aurais voulu te dire un truc. Vous êtes jaloux, Frédéric Romet ? Ils sont faits chez toi. Bah, moi, je trouve quand même qu'ils sont un peu moins solides. Ce serait gentil de ta part que tu t'appliques. Parce que si je veux, je peux te faire parler de mes baskets. Non, mais c'est extraordinaire. Vous trouvez ça sur le net, c'était absolument génial. Donc après le restaurant Didier chinois, super. Je rentrais chez moi en me disant « Allez, on s'ouvre une petite bouteille de champomie, on écoute un truc qui fait du bien, un truc qui file la pêche, un truc comme ça. » Le plus grand morceau du monde, hein, j'aimerais vous écouter. Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a mucky shine on his head. And Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against the wall. But they creep for what they need. And they explode to the car. Alors qu'est-ce que c'est, Mélanie Bauer? C'est Sex Beat de Gun Club, le plus grand morceau de tous les temps. Ah, donc, nature. Enthousiasme, c'est Noël. Le plus grand morceau, c'est juste. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Enthousiasme, Noël, quoi. On a besoin de personne. Il n'y a pas que des gastro à Noël. Non, il y a des miracles aujourd'hui. On apprend que les Beatles ont enfin ouvert leur catalogue au streaming. On va pouvoir et revendre oui. tous nos disques et écouter les Fab Four avec un son pourri sur un ordinateur en MP3. Ouais, ça va être super. Et puis, je vais arrêter de vous plomber le moral. Il y a une musique qui est mieux que les Beatles, le punk, Jacques Brel, Piaf. rêve Tino Rossi réunis pour se sentir bien à Noël. Une musique de résilience qui va chercher la joie au plus profond de soi. On la fête d'ailleurs aussi le 25 décembre, date de la mort du grand chanteur James Brown. Une musique qui pourrait même presque nous faire croire en Dieu. C'est la soul. Et une dernière chanson pour vous souhaiter de bonnes fêtes, c'est Sharon Jones et les Dap Kings, Just Another Christmas Song. Yeah. Vous êtes sur France Inter, on est avec vous jusqu'à 18h, où vous soyez dans la voiture, dans la cuisine, on reste avec vous. C'est ça, Just Another Christmas Song, Mélanie Bauer. Absolument, ça file la patate et ça donne envie de fêter Noël. Merci, merci pour cette belle chronique de Noël qu'on peut réécouter bien sûr sur franceinter.fr. Les choix musicaux de Mélanie Bauer et notamment cette reprise de Tino Rossi par Trust. Ah, vous avez... Je vous conseille, et Didier, super évidemment. Mais musicalement, c'est vachement bien. Vous êtes... Oui. Chez Nagui, on a que Vienne. D'accord, effectivement, Frédéric Sigrist est avec nous, Nagui nous l'a prêté. Ouais. Frédéric Sigrist, d'ailleurs, on peut vous voir en spectacle tant qu'on y est, allons-y, puisqu'il faut sortir. C'est... Bah, allez, bah oui, bah, jusqu'au 31 décembre, du mercredi au samedi à 19h au point virgule. Et puis après, j'arrête Paris. Voilà, sortez, je me promène sortez partout dans le vrai en monde. En terrasse, dans les salles et autour de cette table. Ah bah, Mélanie Bauer qu'on a entendu, Samir Bouadi qui prépare sa dernière chronique de l'année et Guillaume Meurice qui va nous parler. Attention. Oui, alors juste avant Guillaume Meurice, moi et je voudrais quand même. Oui. Parce qu'on a quand même un invité qui est François Hollande, qui n'est toujours pas là. Donc j'aimerais quand même juste qu'on fasse un point. Où est François Hollande? Oui, parce qu'en plus, peut-être il a évité le premier sujet, mais le second, ça va l'intéresser. On va parler chômage et tout ça. Donc Gaspard Ganzer me dit, parce que malheureusement... Le conseiller com de François Hollande. Toujours, oui. Donc ils ont fait un crochet par chez Marine Le Pen, parce qu'il tenait à la remercier personnellement pour les bonnes idées qu'elle lui a soufflées ces derniers temps. Donc, d'accord. Voilà, François Hollande est donc à Montretout? Non, non, parce qu'elle a déménagé. Hein, elle est à la Celle-Saint-Cloud. Elle habite plus avec son papa depuis que le chien de son papa avait mangé sa chatte. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, bien sûr, très bien. Très bien. C'est vrai. Oui, oui. On avait fait une ouverture de journal, certainement, avec ça, d'ailleurs. Oui. Et alors là. Émission spéciale. Oui. Je vous sens dissipé. Là, c'est le 24. Vous êtes tout excité. On frétille, en fait. On frétille. Oui, oui, oui, j'imagine. Oui. Allez, c'est le moment Meurice, comme tous les jours. Mais oui, effectivement, nous sommes le 24 décembre. Hein, la dinde, la truffe, le foie gras. Je ne vous parle pas d'un film avec Catherine Deneuve, Carla Bruni et Gérard Depardieu. Je vous parle du repas, du réveillon. D'ailleurs, arrêtons-nous sur le foie gras, hein, qui fait toujours polémique. Encore. Mais oui, une vidéo de l'association L214 a même été mise en ligne pour dénoncer dénoncer les conditions d'élevage et de gavage. Donc, j'ai cherché à en savoir plus en appelant directement des producteurs de foie gras. La première, alors, elle n'a pas voulu bien me renseigner parce que, soi-disant, elle n'avait pas le temps. Alors, elle a raccroché le téléphone, mais comme elle était très, très pressée, bah, elle a mal raccroché le téléphone. Alors, on les élève en pâture, après ils passent au gavage, après on les abat. Ah, bah, d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse, le gavage, comment c'était? Bouffon. Eh oui, effectivement, je suis un bouffon. Je suis même payé pour ça, elle a raison, hein, cette dame. Mais alors, pas seulement, hein, je suis payé pour enquêter sur le fameux foie gras. J'ai appelé d'autres producteurs. Première question polémique, est-ce que l'animal souffre quand on le gave? Réponse. Non, pas du tout. L'animal ne souffre pas du tout? Ah non, ça souffre pas, hein. Pas du tout. Hein. D'accord, donc vous respectez le bien-être animal? Ah oui, quand même, oui. Mais du coup, quand vous leur enfoncez l'entonnoir dans le gosier, ça les fait pas souffrir du tout? Non, non, ça fait pas souffrir. Après, c'est adapté à l'anatomie du canard, c'est pas... Parce que, moi, sur les images que j'ai vues, il se débattait quand même, il était pas hyper heureux. Bien sûr qu'il bougeait un peu, mais après, c'est pas, ça leur fait pas mal, au contraire. Ah, au contraire, bien sûr, ça leur fait du bien à ces canards, hein. Ils sont pris en charge intégralement, ça c'est chouette, ils ont même pas à s'emmerder à élever leurs gamins, puisqu'on les chope pour les gaver à nouveau, ou alors on les broie dans des machines. Bon, c'est sûr qu'avec cette méthode, Véronique Courgeot à côté, c'est Françoise Dolto. Mais en tout cas, on s'occupe de leur progéniture. Alors de quoi ils se plaignent? En plus, ils sont nourris gratos, hein, ça leur tombe tout seul dans le bec, évidemment. Alors bien sûr, il y a toujours des tatillons pour dire qu'ils sont gavés de force. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça que ça se passe, oui, effectivement. Ah. Après, c'est pas mal traité. Hein. Ah, c'est pas mal traité? Ça ne leur fait pas mal, visiblement, parce qu'il n'y a aucune, comment dire, dans leur attitude, il n'y a rien qui peut nous laisser voir qu'ils souffrent, tout simplement. D'accord. D'accord, ils essaient pas de s'enfuir ou des choses comme non, ça. Non, non, du tout. Ben voilà, dans leur attitude, il n'y a rien qui montre qu'ils se sentent pas parfaitement à l'aise. Hein. C'est comme les mecs qui sont en vacances à Guantanamo, c'est pareil. Hein. On les plaint, mais les mecs, ils ont des manucures, ils ont des massages énergisants, des soins thermaux. Alors, est-ce qu'on les entend gémir, ces mecs-là? Non. Regardez les journaux aux États-Unis, aucune interview avec un mec qui se plaint, tout va bien. Donc, au niveau du bien-être, on est OK. Bon, j'avais juste un doute sur le foie en lui-même, dont on dit qu'il est malade. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on gave le canard, on l'engraisse et en fait c'est comme un peu une cirrhose enfin. Ah oui, donc il est malade quand même le canard. Il est malade d'une certaine façon, le foie est engraissé. On n'est pas tout à fait dans le bien-être animal alors. Bah, il est malade, on ne peut pas dire qu'il soit malade. Ah, alors la cirrhose est-elle une maladie? Pas du tout, me disait encore Mimil ce matin même au café du commerce après son 18e verre de blanc. La cirrhose c'est avant tout un état d'esprit, hein, c'est un art de vivre. Et le canard participe donc de cette belle tradition française. Poussons plus loin l'analyse médicale avec un autre producteur. Le foie gras, vous chercherez dans le dictionnaire si vous voulez, c'est une stéatose. La stéatose est réversible. Si vous arrêtez de gaver un canard au bout de grosso modo 24 heures, il a récupéré son foie d'origine. Voilà. Oui, mais le but c'est pas d'arrêter de le gaver du coup. Si vous voulez faire du foie gras, non, vous arrêtez pas de le gaver. Et quand c'est réversible, on n'appelle pas ça une maladie? Ah non, c'est pas une maladie, non. Non, eh bien non, quand c'est réversible, pardon, c'est pas une maladie. Quand vous guérissez, c'est que vous n'étiez pas malade. Par exemple, oui, votre gamin, il a la rubéole, eh bien s'il guérit, c'est qu'il n'était pas malade. Alors s'il meurt, oui, alors là vous pouvez commencer à vous inquiéter. Mais en attendant, soyez rassurés, mangez tranquillement du foie gras jusqu'à rendre malade le vôtre. Les producteurs de foie gras et leur professionnalisme veillent sur vous après. Après, comme dans toutes les professions alimentaires, il y a des gens qui travaillent bien et des gens qui travaillent moins bien. Que ce soit dans l'élevage de cochons, de bovins, de poules, ce que vous voulez, il y a des gens qui travaillent comme des cochons, et qui respectent pas les animaux et pas plus les hommes. Et oui, il y a de la torture équitable et de l'autre non, des élevages dans lesquels le producteur ne se comporte pas comme un cochon, ni comme aucun autre animal d'ailleurs, car il existe une seule espèce capable de torturer consciemment pour son seul plaisir égoïste, c'est l'espèce humaine, espèce à qui je souhaite un bon réveillon et bon appétit bien sûr. Merci Guillaume Meurice, vous êtes sur France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 18h en cette veillée de Noël. On attend toujours le président de la République, François Hollande, qui doit être notre invité, qui est sur le chemin. Bon, il reste un bon quart d'heure pour arriver. Hein. On est là. On va passer au sujet 2, même s'il n'est pas là, on va faire comme s'il était là. C'est le miracle de Noël. Le chômage a reculé au mois de novembre et pas de 0,1. Pas de 0,2, ni de 0,3, mesdames, messieurs. Le chômage a reculé de 0,4% en novembre. Pourtant, depuis le temps, les chômeurs se sont un peu organisés. Bien, sortez vos cahiers, on va pouvoir commencer notre cours de chômage. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Très délicate comme question. Alors, première carte à abattre. L'année sabbatique. Bon, ça marche bien, mais attention parce qu'au bout de 5 ans au chômage, ça commence à devenir suspect. Sinon, vous pouvez toujours dire que vous prenez des cours de théâtre pour devenir comédien. Ça, croyez-moi, ça marche toujours. Qui oserait vous empêcher de croire en vos rêves, hein? Personne! Alors, profitez-en! On peut aussi dire qu'on prend du temps pour nous, non? Ah non, mais surtout pas, malheureux. Surtout pas! Parce que sinon, on vous collerait dans la catégorie des feignasses! Et ça, c'est très dur d'en sortir. Crois-moi, mon petit pote. On est des chômeurs ici, on n'est pas des feignasses! Un extrait des sketchs de Studio Bagel. Moins 0,4% de chômage, ça représente 15 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins par rapport au mois précédent. Si François Hollande était là, il dirait quoi, Monsieur le Président? Non, c'est, alors oui. Je tiens à préciser en tant que Guillaume Meurice, c'est une baisse des demandeurs d'emploi. Eh oui, c'est-à-dire que les gens qui sont radiés ne comptent plus dans les statistiques. Donc c'est pas une baisse du chômage, c'est une baisse des demandeurs d'emploi. Nuance. Mais est-ce qu'il y a eu une augmentation des radiés? Parce que oui, évidemment oui. Après, on n'a pas les chiffres en même temps. Ah, donc, sortez les chiffres, Monsieur Meurice. Écoutez, 14, 25, je sais pas quoi ils correspondent. Mais il y a quand même une légère embellie, donc. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt? Pas pour les gens qui sont radiés, du coup. Ah non, ceux qui sont radiés, c'est sûr. On est à 1 an et demi de l'élection. L'embellie, elle arrive trop tôt, je pense. Il aurait surtout, dû elle attendre. Elle est très très faible et elle joue au yo-yo, c'est-à-dire que ça avance et ça recule, vous voyez venir. En tout cas, on salue François Rebsamen, qui n'a jamais eu la chance d'annoncer. C'est dommage. Enfin, peut-être François Hollande pourra s'enorgueillir un tout petit peu pour son discours du 31 décembre. François Hollande, qu'est-ce qu'il dirait dans la bouche de Frédéric Fromet en ce moment avec la déchéance, etc. La déchéance, le chômage. Je suis plus de gauche. Ah oui, d'accord. Je vis dans un taudis, j'ai 14 frères. Le pognon, mais pourquoi faire? Je m'en fous. Mon luxe, à moi, c'est la misère. Je suis plus de gauche que vous. Voilà. C'est très clair. Merci, bravo, Frédéric Fromet, qu'on retrouve bien sûr à la fin de cette émission. Pour une nouvelle chanson. En attendant, nous sommes toujours ensemble. Au moment où vous préparez la table pour ce soir, il y a Samir Bouadi qui vous accompagne. Ben oui, alors je voudrais m'adresser directement au président de la République qui n'est pas encore arrivé. Il vous écoute apparemment. Ouais. Alors voilà, je lui ai adressé une petite lettre finalement, mais je vais me tourner vers Guillaume qui pourra intervenir quand il veut avec son imitation parfaite. Cher oui, monsieur, voilà, bravo. Cher monsieur le président de la République. T'as vu, j'y vais fort là. Hein. Vous sentez la détermination. Monsieur le président, n'y allons pas par quatre chemins. Ma question va être directe et franche. Comment ça va? Voilà. Heureux de l'apprendre, monsieur le président. Alors, je vais donc vous faire un petit bilan, hein, de l'année sportive. Ah, oui. Alors, si on veut être précis, on peut dire que globalement, c'est pas mal, hein. La France, sur le terrain du sport mondial, s'est plutôt bien comportée. Je vois, par exemple, en ski, hein, c'est pas mal, en ski, hein. En tennis aussi, bah, c'est pas mal. Le retour de Noah à la tête de l'équipe de France, c'est une sorte de bouffée d'air frais. Enfin, des volutes de panache, hein. Noah, pieds nus, hein, qui chante quand même un peu comme le coq, qui même les pieds dans la merde, continue de louer. Fièrement. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'en France, tout finit par une chanson. Bon, c'est vrai qu'on l'aura quand même beaucoup entendu, hein, cette année, la Marseillaise. Hein, pas que sur les podiums, mais bon, non, vraiment, le sport français va bien. Mais je vois en foot, par exemple, je suis allé regarder l'entraînement des Bleus à Clairefontaine lors de leur dernière réunion. Eh ben, c'est pas mal. Hein, les petits sont sur le coup. Hein. Non, ça tire bien et surtout c'est précis, ça cadre bien. Hein. Je sais plus qui disait en foot, hein, ben, il faut cadrer. Hein. Tirer, certes, mais cadrer et toujours cadrer. Alors, en revanche, côté de ben, j'ai du lourd, hein, cher monsieur le président de la République, je suis désolé, loin de moi l'idée de vous accabler, mais il faut quand même qu'on se dise les choses en face. Va falloir faire quelque chose pour le petit Michel, hein, sérieusement. Faut pas le laisser comme ça non plus, hein, faut intervenir. Non, parce que sérieusement, quand c'est en Afrique qu'on retient les otages français, on envoie les forces spéciales, mais quand c'est en Suisse, walou, hein, on bouge pas une oreille. Non, franchement, non, faut l'exfiltrer, Platini, faut pas le laisser comme ça. Hein. Après tout, il aura quand même fait beaucoup pour le rayonnement de la France. Hein. L'amoureux de foot que vous êtes, cher monsieur le président de la République, devrait prendre ses responsabilités. Bon, autre chose, j'ai une proposition à faire, figure. À vous. Un truc sérieux, seriez-vous prêt à déchoir de leur nationalité française tous les joueurs des équipes de France qui, une fois sélectionnés, ne donneraient pas satisfaction? Ça aurait au moins deux mérites. D'abord, ça leur mettrait la pression du genre « t'as intérêt à être à la hauteur ou tu vas jouer dans ton pays, petit con ». Et puis ça éviterait des tractations nocturnes entre sélectionneurs, agents de joueurs et autres mafieux qui font la honte du sport. Bref, monsieur le président, j'ai été heureux de m'adresser directement à vous et comme la politique est un sport comme les autres, je me permets de vous souhaiter bonne chance pour votre prochaine grosse compète. Mais je ne m'en fais n'est pas pour vous, car comme disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. Merci Samir Bouadi. Le bilan que François Hollande a entendu certainement en route. Je vous rappelle que François Hollande est notre invité. Mais là, on a un problème, parce qu'on ne le voit pas arriver depuis le début de l'émission. Donc Alex Vizorek, vous êtes en communication avec l'Élysée. Que dit la cellule com de l'Élysée? Où est François Hollande à l'heure actuelle? Il est passé voir Marine Le Pen, mais il a eu un contretemps, puisque Jacques Chirac avait quelque chose à lui dire, et donc il a fait le détour. Mais qu'est-ce que Chirac a à dire à Hollande? Quand il est arrivé, l'autre ne se souvenait plus. Ça, détour pour rien. Mais là, maintenant, c'est en train de... Il est sur la route, là. Donc il lui reste quelques minutes. Il arrivera pour Frédéric Fromet, sans doute. Alors écoutez, on va passer au troisième sujet, sans François Hollande, mais c'est pas grave. C'est la commune de Saint-Martin de Belleville, en Savoie, qui regroupe à la fois Val-Thorens et les Menuires, et qui demande aux habitants de ne pas skier la semaine du Nouvel An, parce qu'il n'y a pas assez de neige. Alors, il s'agit d'une simple recommandation, d'une consigne de bonne conduite. Et c'est sûr que c'est un trait bien connu des skieurs, la bonne conduite. Tout le monde sait ça. Oh là là là là là, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Je te dis, j'en ai marre. Je vais pas faire des pistes noires, j'ai peur, je te dis. Enfin, descends, Alex, c'est bon. Non, je descends pas. Allez. Non, je descends pas, tu viens me chercher. Oh, mais arrête de faire l'enfant maintenant, ça suffit. Viens me chercher, je te dis, j'ai peur. Je vais pas venir te chercher, c'est ridicule. Tu veux que je me casse une jambe ou quoi? Oh là là. Tu viens me chercher. On est les derniers sur la piste, t'es je vraiment m'en fous, tu viens me chercher. T'as voulu qu'on fasse une piste noire, voilà maintenant. C'est pas vrai. En plus, je me suis fait super mal. Ouais. J'ai perdu la cheville. Quand t'as décidé de bousiller les vacances, toi, tu sais que tu fais pas ça. Mais je viens me chercher, j'ai peur. J'arrive, oh, ça va. Quel chien, arrête. Allez, dis, hein. Bon, vas-y, mets-toi bien. Mets-toi bien. Parallèle, parallèle. Aide-moi. J'ai super mal en plus. Voilà, parallèle, voilà. Attends-moi là. Ah mais maintenant tu te débrouilles, hein. Un gars, une fille, et voilà ce que vous allez éviter puisqu'il n'y a pas de neige. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Un extrait d'un gars, une fille. François Hollande n'est toujours pas là, mais est-ce que vous pensez qu'il s'inquiète de ce problème? Est-ce qu'on trouve ça normal finalement que alors c'est à la fois les habitants des Menuires et de Val-Thorens, mais aussi les gens, les saisonniers qui se sont dit ouais je vais travailler et puis je vais aller skier un peu l'après-midi. Il est recommandé de ne pas skier la semaine du Nouvel An pour laisser la place aux touristes. Donc l'idée c'est qu'il y a quand même un peu de neige, mais qu'il faut pas trop. Faut se la partager parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Faut pas trop l'user. Ils ont reçu une lettre. Comment s'est passé? Ils ont reçu non, c'est une recommandation de la mairie, mais c'est une recommandation. Avec ça n'est une pas déchéance de la nationalité au cas où on les retrouve sur les pistes. Éventuellement. Cela dit, bon, après les habitants peuvent en profiter toute l'année. Cela dit, la Suisse avait une bonne idée parce que donc il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de skieurs et ils ont gagné l'America's Cup, qui est quand même une compétition qui n'a rien à voir avec la montagne. Donc ils ont quand même, à mon avis, redéployé vers un autre sport. Donc la France peut-être devrait redéployer vers autre chose, c'est skier. Et après, il y a peut-être une solution, c'est que si vous faites une grosse boulette d'échéance de citoyenneté, donc forcément vous êtes étranger ou apatride, et peut-être vous pouvez skier. Moi, j'ai des solutions. Alors, à cette heure-ci, on accueille bien sûr Frédéric Fromet. Frédéric Fromet, la dernière chanson de l'année, vous êtes attendu tous les vendredis depuis maintenant un an et demi. Alors, faites-nous rêver, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes le 24 décembre, et comme tous les jours de l'année, qui a encore le beau rôle? Monsieur, en la personne du Père Noël. À l'heure de faire rêver les gosses, c'est toujours la même qui bosse. Petite maman Noël, quand t'auras descendu les poubelles, fais les poussières par milliers. N'oublie pas de passer le balai. Toute l'année, tu torches les mômes, mais le héros, c'est ton homme qui n'a même plus à se geler pour sa tournée. Le cul, maintenant qu'il fait 15 degrés, il nous tarde tant que le jour se lève pour que tu prépares le petit déj. T'as pas intérêt à te foutre en grève, sinon le Père Noël va te tâche. Petite maman Noël, quand t'auras fait la vaisselle, la bouffe et les courses pour la semaine, n'oublie pas de brosser les rênes. Petite maman Noël, toi qui te perds dans une ruelle, comment veux-tu faire du traîneau? De toute façon, tu sais pas faire les créneaux. Tu n'as pas fini de faire le ménage, ramasse les papiers cadeaux. qu'on laissait traîner tous les enfants sages. Mange-toi de passer l'aspiro, petite maman Noël. Si tu remplaces le Père Noël, à compétence et expérience égale, l'avantage c'est que tu serais payé que dalle. Le petit papa Noël qui se marre, c'est naturel. C'est lui qui fait rêver les marmots quand madame se tape tout le boulot. Petit Pacha Noël. Bravo. Bravo, bravo Frédéric Romet. Une magnifique chanson sur la parité. Najat Vallaud-Pelkacen va vous engager au ministère. C'est magnifique. Merci beaucoup Frédéric Fromet, qu'on peut retrouver aussi en vidéo sur franceinter.fr. Merci à Mélanie Bauer, à Samir Bouadi, à Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Merci aussi à Frédéric Sigrist qui nous a été prêté par Nagui. C'était un plaisir. Écoutez, on va se retrouver demain avec un florilège de Noël. Un florinège. Il n'y en a pas beaucoup, ce sera bien. Attendez, attendez, attendez. Oh là, on me dit, ah, ça y est, François Hollande est arrivé. Ah, il est là. Si, si, si, il est là. Ah, ça y est, oui, monsieur le président, oui, ça y est. Avez-vous vu la lumière? Oui, oui, oui, par Jésus et Saint Frère d'Astère, la lumière, je l'ai vue.